هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. On continue بإذن الله عز وجل avec les règles de tajwid. On avait traité al-mudud, donc les allongements, et je pensais avoir terminé, lakin ala kulli hal, il nous reste un point essentiel et important concernant al-mad al-lazim ici, الذي ينقسم ici, qui se divise en plusieurs catégories, et inshallah ta'ala on va voir ces catégories là. Avant de continuer ici, je tiens à rappeler qu'il y a une erreur qui se répand concernant maddul badal. Maddul badal, on avait déjà rappelé que maddul badal c'était ici lorsque la prolongation est précédée d'une hamza. Il y a la prolongation qui est précédée d'une hamza. Donc ici la voyelle elle est de harakatan, elle est de deux temps si on veut. Et ici, malheureusement, dans beaucoup de mosquées, les gens font l'erreur ici que ça concerne al-imam ou bien al-ma'moum, celui qui prie derrière l'imam ou ceux qui prient derrière l'imam. Quand l'imam il dit waladdallin, donc ensuite on doit dire amin, d'accord? Ikhtalafa al-ulama, est-ce qu'on peut dire amin que quand on est dans la prière ou même quand on récite surat al-fatiha en dehors de la prière. Ala kulli hal, ici quand on dit amin, comment on le dit? En général, umuman nasma' amin, wa hadha khata. Pourquoi? Parce que ici ce mad ici c'est maddul badal, c'est un mad qui a harakatan, parce que l'allongement il est précédé d'une hamza, donc on doit le prolonger de combien de temps? Harakatan, deux temps. Donc on doit dire amin. ولا نقول آمين هذا خطأ. Et on retrouve beaucoup cette erreur للأسف, malheureusement. Donc maddul badal ici concernant amin, il doit être mis en application, c'est un mad de deux temps. واضح. Et ici maddul lazim qui est de six temps, d'accord? On avait donné l'exemple ولا ضالين, six temps maddul lazim, d'accord? Il se décompose ou divise en quatre grandes catégories, et il y aura une catégorie qu'on va citer à la fin aussi qui rejoint ces quatre grandes catégories. À la kulli hal, on va citer d'abord les quatre grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle al-maddul lazim al-kalimil muthaqqal. Ici il y a un mad obligatoire, prolongation qui concerne un seul mot. Et dans les exemples vous allez vous retrouver plus facilement inshallah ta'ala, qui concerne un seul mot. Et muthaqqal signifie dans la langue arabe quelque chose de lourd, alourdi. Il est muthaqqal, il est alourdi, clair. C'est lorsque la prolongation est suivie d'une lettre doublée, c'est-à-dire avec une shadda dans un mot. Comme on l'a vu, ghayril maghdubi alayhim waladdall. Ah, il y a une shadda sur le lam. Donc c'est ce qu'on appelle al-maddul lazim al-kalimi al-muthaqqal. D'accord, alourdi. Parce qu'il y a, après la prolongation, une shadda, c'est comme dans waladdallin, comme on l'a cité. Wadih. Ça, c'est la première catégorie. Il y a la deuxième catégorie qui est toujours al-maddul lazim al-kalimi, walakin al-mukhaffaf, al-aks, l'inverse ou l'opposé. C'est-à-dire là, c'est une prolongation qui concerne toujours un seul mot. Et on dit mukhaffaf parce que dans la langue arabe, mukhaffaf, c'est quelque chose d'allégé. D'accord? Il n'est pas provoqué par une shadda qui va venir après, lakin comme on va le voir, autre chose. C'est lorsque la prolongation est suivie d'une lettre sakin, c'est-à-dire avec sukun dans un mot. D'accord? Donc ce n'est pas parce que ici il n'y a pas une shadda après la prolongation qu'il n'y a pas six temps. Il y a des fois où il y a six temps. D'accord? Si harakat, comme on va le voir inshallah ta'ala, on va donner ici ba'd al-amthila inshallah ta'ala. Donc cette règle elle n'existe que deux fois dans le Coran al-Karim. Elle existe que deux fois pour un mot identique qui est le mot الآن. الآن en arabe ça veut dire maintenant. الآن. واضح. Et dans la même sourate, c'est dans sourate Yunus. Ici, Allah Jalla wa'ala, il dit dans le Coran al-Karim, dans sourate Yunus, donc on a le premier cas qui est dans le verset 51 de sourate Yunus. Donc ici, Allah Jalla wa'ala, il nous montre qu'il y a 6 temps, ou plutôt on retrouve les 6 temps ici, dans Al-An. On dit Al-An. D'accord? Donc ici, c'est une interrogation. Donc on dit est-ce au moment où le châtiment se produira que vous croirez? Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. D'accord? Et il dit, il vous sera dit, inutile, maintenant autrefois vous en réclamiez al-aya. Donc ici, on voit que il y a une prolongation de 6 temps, mais pourtant il n'y a pas une shadda après. Et ça, c'est, on a dit que ces cas-là, avec as-sukun, il se produit 2 fois dans le Coran, dans surat Yunus, verset 51. Et on retrouve encore dans surat Yunus, verset 91. Quand Allah Azza wa Jalla dit maintenant, alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu as été du nombre des corrupteurs, al-an, donc pareil, donc 6 temps, wa qad asayta qablu wa kunta, donc ici, avant, wa kunta min al-mufsidin, et avant, alors qu'auparavant tu étais parmi les corrupteurs, ou tu faisais partie du nombre des corrupteurs. Al-an, ici il prend 6 temps. C'est ce qu'on appelle ici al-maddu al-lazim al-kalimi al-mukhaffaf. Donc c'est toujours 6 temps. Et il est indiqué dans le Coran al-Karim ou dans certains. Ici vous allez trouver quelquefois dans le mushaf, ils vont vous mettre, si vous prenez les Corans tajwid avec les couleurs, ça prendra la même couleur qu'ils utilisent pour les 6 temps. Autrement, ils mettront ici une sorte de vague. On va le voir bi-idhnillahi azza wa jal. Ici les exemples, ou alors les signes qu'ils mettent dans certains Corans. Donc ici on a une remarque. On retrouve aussi le mot Al-An dans la sourate Yusuf, verset 51, mais dans ce cas il s'agit d'une phrase affirmative et non d'une phrase interrogative. Là on parle quand c'est une phrase interrogative. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle ici, il interroge. Bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici, soit c'est pour rabaisser, soit c'est pour montrer l'égarement, il a akhiré. Lakin ici on a dans sourate Yusuf, verset 51, Al-An, lakin c'est pas dans l'interrogation. D'accord? C'est pas dans l'interrogation qu'on va prononcer Al-An. Donc on n'en appliquera pas la règle de Al-Mad al-Lazim al-Kalimi al-Mukhaffaf, mais la prolongation étant précédée d'un Hamza, celle du Mad al-Badal de 2 temps. Mathalan, dans Surat Yusuf verset 51, Al-An, ici Allah Azza wa Jal, il mentionne, maintenant la vérité s'est manifestée. D'accord? Al-An, has-has al-Haq. Donc ici, la vérité, elle s'est manifestée, c'est pas une interrogation. Al-An, et là on interroge. D'accord? Donc là, c'est 2 temps. Maddul badal al-an. D'accord? Al-an. Donc ici, on fera pas la prolongation de 6 temps. Il y a la 3e catégorie, al-maddul lazim. D'accord? Al-harfi al-muthaqqal. Donc on a la prolongation qui concerne une seule lettre. Et muthaqqal signifie dans la langue arabe toujours alourdi. Donc là, on parle d'une seule lettre. C'est pas dans le mot une seule lettre. C'est la prolongation qui se trouve dans les lettres qui débutent certaines sourates. D'accord? Souvent dans certaines sourates, on voit qu'il y a des lettres qui débutent. D'accord? Et là, on va le voir dans les détails, incha'Allah ta'ala. Lorsqu'elles sont prononcées alphabétiquement et développées, elles renferment 3 lettres. Comme on va voir par exemple, nahou, lam. D'accord? Lam. Quand on dit, si vous voulez bien décomposer, si on veut décomposer clairement lam, on va utiliser un peu la phonétique là. D'accord? Donc ici, lam, en général, ils vont l'écrire comment pour bien montrer l'M? Un L, un A et un M. D'accord? Donc ici, c'est pour ça, ils montrent bien que l'M, lorsqu'elles sont prononcées alphabétiquement et développées, elles renferment 3 lettres. On est d'accord? L'M. 3 lettres. Dont une longue au milieu. Ça, c'est important. Donc on dit l'M. Donc c'est ici, donc une longue au milieu. Suivie d'une 3e lettre renforcée, c'est-à-dire avec une shadda, se fondant dans la lettre suivante. Pour que cette prolongation ait lieu, il faut 3 conditions. Et vous allez voir, ça va être plus clair dans l'exemple. L'orthographe de la lettre doit être formée de 3 lettres. Donc l'aime formée de 3 lettres. Première chose. La lettre du milieu doit être une voyelle longue. L'aime. D'accord? Donc, c'est le cas ici. D'accord? On a la 3e lettre s'assimile. Donc on a la 3e lettre qui est le m, mim, l'm. Donc la 3e lettre, le son m, la 3e lettre s'assimile, donc il y a l'idram, l'assimilation, avec la lettre qui va la suivre. Donc comme on va voir dans l'exemple. On distingue donc une fois la lettre écrite telle qu'elle se prononce que la lettre med est bien suivie d'une shadda. Exemple. On a alif, lam, mim. D'accord? Alif, lam, mim. Par exemple dans surat al-ankabut, alif, lam, mim. Comment on sait que c'est 6 temps? Pourquoi on ne fait pas 2 temps? Est-ce qu'on peut faire 2 temps ou 4 temps? Il a akhiré, on va le voir inshallah ta'ala. Là on est dans le premier cas ici et on va voir plusieurs cas concernant toujours, on est toujours dans mad al-lazim. Donc ici on parle du mad de 6 temps. Wadih? Donc là on a l'exemple, on a alif, lam, mim. Donc on a alif, lam, mim. Le alif ici, il se prononce en un temps, alif. Alif. Ensuite, on a lam. Lam, on l'a décrit. D'accord? On a dit lam. Ici, alphabétiquement, il est développé et il renferme 3 lettres. Donc ça, il est concerné parce qu'il y a le lam. Donc il y a le lam et on a le son m. Et après, on a mim. À la condition, c'est que quoi? Il y ait une assimilation. Ici, de la dernière lettre, donc le son m, de lam, avec la lettre qui suit. Mais on a alif, lam, mim. Donc il y a une assimilation. Donc assimilation déduit une shadda. Là, il a réuni les conditions. Il y a le lam qui alphabétiquement renferme 3 lettres. On a la deuxième ici lettre qui est un prolongement, la, d'accord, au milieu. Et la troisième lettre, il faut que la lettre qui vient après, donc on est dans mim, ici, il y a un idrame qui se fait. Et c'est le cas. Donc quand on dit lam et après mim, il y a un idram. Donc ça porte une shadda. Ça remplit les conditions. Donc à ce moment-là, le lam et le mim, ils se prononcent avec 6 harakat. Et le alif, il reste alif. Pourquoi? Parce qu'on va voir, ici déjà on a expliqué pourquoi, mais on va voir plus dans les détails après, qu'il y a des lettres ici, qui quand ils sont cités par exemple en introduction du Coran, quand on les trouve et on les voit, ceux-là, ils prennent un temps, une harakat. D'autres, ils prennent 2, et d'autres, ils prennent 6. Et on va citer ces lettres-là. Et comme ça, tu vas te retrouver, et tu sauras comment réagir. 6 temps, 2 temps, ou 1 temps. Et dans certains Corans, ils nous mâchent le travail. Ils mettent des signes. D'accord? Quand, par exemple, vous allez voir la vague au-dessus de certaines lettres, une vague comme ça, c'est pour montrer à 6 temps. Et quand vous allez voir une sorte de petite, si je peux dire comme ça, une sorte de petite virgule, d'accord, verticale, c'est pour montrer qu'il y a 2 temps. D'accord? Par exemple, quand vous prenez dans surat Maryam, d'accord, il y a le kaf, ici, qui vont vous mettre au-dessus du kaf, hein, une petite vague, pour vous dire que vous dites pas kaf. Non, mais tu dis kaf, et tu passes aux autres lettres, et on va le voir dans les détails. Wadih? On reste ici tout le temps avec ce type de prolongation. On a compris que alif, lam, mim, ici alif, un temps, on va voir pourquoi, parce que dès que vous trouvez alif, c'est un temps. Lam, ah, il est concerné par cette règle-là. Il y a les 3 lettres, donc alphabétiquement, il renferme 3 lettres. Et ici, la lettre qui vient après, ici, donc on applique la règle de l'idram. Donc on met une shidda, donc on dit alif, lam. Donc on est obligé de rester dans le mim, il y a une shidda. À cause de quoi l'idram? Et on part avec 6 temps. Et attention de faire, et on va en parler de l'qalqala. Certaines personnes, ils vont dire alif, lam, mim, et quand ils vont arriver à la fin de mim, mim, mim. C'est comme si tu mettais l'qalqala dans le mim. Ça, tu n'as pas le droit. Mim. D'accord? Tu dois aller mim. L'qalqala, ici, l'oratan, l'agitation, la perturbation, ici, la résonance, on va en parler bi'idhnillah. Ça, c'est sur un nombre de lettres. Et ici, Qutbujad, et on va en parler bi'idhnillah azza wa jal. Donc, pas les autres lettres. Donc, al-muhim, on a alif, un temps, lam, 6 temps, mim, 6 temps. Pareil, on a par exemple, ta, sin, on a ta, sin, mim. Donc là, on va appliquer la même chose. On a le ta là, il a 2 temps. Parce que c'est ta, quand elle est isolée, ça va être ta, 2 temps. Donc on va dire ta. Après, on a sin, pareil. D'accord? On a 3 lettres dans sin, si on l'écrit donc alphabétiquement, on va avoir le sin, première lettre, le ya, donc on a la prolongation ou pas? On a la prolongation. Si, sin, d'accord? Donc, et après on a le nun. Wadih? Et après, si on prend, maintenant, qu'est-ce qui suit? Ta, sin, mim. Donc ici, on a le, il y aura l'idram qui va se faire et qui va nous pousser à faire avec les ya. Donc, ça va nous pousser à quoi? À, ici, faire l'idram. Ici, ça va nous pousser, naam, ça va nous pousser à faire un idram qui va être caché et ici, on va s'arrêter au mim et on va poursuivre avec sitan. Donc, on va faire ta, si, mi. Donc, on va faire l'idram ici et ça va passer directement avec, ça va être avalé par le mim. Wadih? Parce que ici, il y aura le sin. D'accord? Et ici, après, il y aura le ya. Et donc, on va faire un idram avec, ici, ces lettres-là. On va appuyer sur le mim, une shedda, et on va prolonger sur le mim. Donc, on va avoir ta, deux temps, si, donc, deux, six temps, mais on passe directement même mim avec shedda, mim, six temps. Donc, on va dire ta, donc deux temps, si, mim. Wadih? Donc ça, c'est deux exemples qu'il y a, mais après on va se retrouver plus facilement en citant toutes les lettres, inshallah ta'ala. Wadih? Donc, comme on a dit, en général, le alif, un temps. Ça, c'est toujours comme ça. Là, on a le ta, deux temps. Après, les autres, ils ont six temps, et on va voir quelles sont ces lettres qui sont concernées par les six temps. Ici, on les verra tout à l'heure. Et le dernier cas, avant de détailler les lettres, il y a al-maddul lazim, al-harfi, al-mukhaffaf. Donc, c'est une prolongation qui concerne toujours une seule lettre. Mukhaffaf signifie dans la langue arabe allégé. D'accord? Allégé. Ces lettres, tout en étant isolées, renferment lorsqu'elles sont prononcées alphabétiquement trois, dont une longue voyelle au milieu d'une consonne non vocalisée. Clair? Cette règle, c'est la même que celle qu'on a citée. Les conditions sont les mêmes. Lakin, ici, il y a une différence, c'est que la troisième condition diffère. Donc la première condition, l'orthographe de la lettre doit être formée de trois lettres. Par exemple, on a qaf. D'accord? Qaf. Ici, si on aurait écrit qaf en phonétique, pour que ce soit clair pour les gens, on aurait mis quoi? Il n'y a pas de règle, hein, sur les phonétiques, hein, mais il y a le Q, il y a le A et il y a le F. Donc on voit qu'elle est décomposée ici en trois lettres. Qaf. La lettre du milieu doit être une voyelle longue. Wadih. Qaf. C'est bon. Mais là, la troisième condition qui change, la troisième lettre ne s'assimile pas dans la lettre qui suit. D'accord? La troisième lettre, le Fa, le F ici, le son F, ne s'assimile pas à la lettre qui suit. Donc on va s'arrêter là. Wadih? C'est la différence avec l'autre qui, ça s'assimile. Et donc, on va avoir al-idram qui va provoquer une shedda. Et ensuite, on va continuer dans l'autre lettre. Là, non. Qaf, mathalan. D'accord? Dans surat Qaf. Comment on va prononcer Qaf? Et ici, on va le prononcer en citant. Tout simplement. Donc, on va dire Qaf. Simplement. D'accord? Donc ici, il n'y aura pas l'assimilation après, où il y aura, c'est une seule lettre, mais alphabétiquement qui se décompose en trois lettres. Wadih? Et on a plein d'exemples. Dans le Coran, par exemple, ici, quand on commence avec Noun. D'accord? Donc dans le Coran, dans une sourate qu'on va commencer avec Noun, dans la sourate qui commence par Noun, on va prononcer comment? C'est la même chose. Donc on a Noun, donc ça se décompose en trois lettres si on veut alphabétiquement. D'accord? La deuxième, elle est longue, voyelle longue. Et ensuite, il n'y a pas de lettre qui suit qui va provoquer un idram. Donc, il n'y a que Noun, comme Qaf. Donc, on va dire quoi? Noun. Tout simplement. Six temps. On va pas dire Noun. Et on va continuer. Non, on va pas faire quatre temps, on va faire six temps. Noun. Wadih? Et ici, on a, pareil, Yasin. Dans surat Yasin, on a Ya, deux temps. Donc le ya ici, il prend deux temps. On va dire ya, d'accord? Mais après, on a la même règle. Sin, il n'y a pas de lettre après qui va faire qu'il y aura un idram ou autre. Sin, trois lettres alphabétiquement qui se décomposent. La deuxième, voyelle longue. Ça s'arrête là, il n'y a rien qui suit. Six temps. On va dire ya, sin. D'accord? Et pas ya, sin. D'accord? Pas de qalqala à la fin. On l'écrase normalement. D'accord? Et donc on a ici un mad de 6 temps. Wadih. Et il y a une prolongation, ça on a fini les 4 temps, et il y a une prolongation qui entre aussi dans la catégorie du mad lazim. D'accord? C'est ce qu'on appelle al-mad al-farqi. D'accord? C'est une prolongation de 6 temps qui est obligatoire pour différencier la forme 1, et là c'est plus un peu technique, mais le moins je vous le cite, hein. C'est une prolongation de 6 temps qui est obligatoire, on est toujours dans les prolongations maddu lazim, 6 temps, hein. Donc qui est obligatoire pour différencier la forme interrogative. Là on veut différencier la forme interrogative, d'accord, avec hamzatul istifham, hamzatul istifham qui montre l'interrogation, de la forme affirmative avec hamzatul khabar. Hamzatul khabar. Donc là, ici, c'est une prolongation pour différencier, d'accord, la forme interrogative de la forme affirmative. Hamzatul istifham de hamzatul khabar. C'est pour les différencier. Par exemple, on a, dans le Coran al-Karim, dans surat al-An'am, quand Allah Jalla wa'ala dit, est-ce les deux mâles qu'il a interdit ou les deux femelles, ou ce qui est dans les matrices des deux femelles, avec une traduction approximative, quand Allah Azza wa Jalla dit قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ الْآيَة. D'accord? Donc il y a cet exemple-là. Vous avez dans Sourate Yunus, verset 91, Sourate Yunus, verset 59, مثلاً, comme Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate Yunus, dit, c'est une interrogation, est-ce Allah qui vous l'a permis? قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ. D'accord? Donc, surat al-Annam, verset 59. Ala kulli hal, ici, ils vont vous les mentionner dans le Coran en général. D'accord? Soit, si vous avez l'habitude pour l'instant, avec les Corans, avec les couleurs, d'accord? La haraj. Et ici, ou soit, ici, dans les autres mushaf, ils vous mettent ici un signe pour vous montrer les 6 temps. Et quand c'est 2 temps, comme je vous ai dit en général, soit ils mettent une vague, comme ça, ou soit une sorte de virgule au vertical pour montrer deux temps pour les deux temps. Donc on a la règle d'allongement des lettres séparées. Ces lettres se trouvent en début de certaines sourates, comme on a vu. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, ça on verra si vous voulez. Taha, Yasin, Sad, pareil. D'accord? Hamim, Qaf, Noun, toutes ces lettres-là. Ils sont concernés par ce qu'on vous a dit. Wadih. Maintenant, pour maintenant, se retrouver plus facilement dans ces lettres. On a cité la règle, c'est-à-dire plus de façon technique. Pourquoi, etc. On va mettre 6 temps, pourquoi on va pas mettre... Maintenant, en se retrouvant facilement, là je parle des lettres qui sont en début de sourate, hein. Quand vous avez des sourates et que vous voyez les lettres là, qu'on a cité Alif Lam Ra, Qaf, Noun, Kaf, et la akhiri, ici, comment on va se retrouver? On peut retenir les règles qu'on va citer là. Quand vous voyez la lettre Alif, quand vous voyez Alif, ici, les lettres qui ne se prononcent pas, il y a une lettre. C'est Alif. Elle se prononce pas. D'accord? Alif, elle se prononce pas. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, Alif, la, Alif, la. D'accord? Alif. Donc directement on passe. Alif. Ça se prononce pas. On a le deuxième cas. Les lettres qui se prolongent de deux temps, harakatan, il y en a 5 lettres. C'est-à-dire quand vous les voyez, c'est deux temps. D'accord? Il y a le roi, le ha, le ya, le ha. D'accord? Ces 5 lettres-là, ra, ha, le ta, le ya et le ha. Donc ces 5 lettres-là, quand vous les voyez, c'est deux temps. D'accord? Là, ça mâche un peu le travail. Ne va pas croire que ça va être ici, que ça va être 6 temps. D'accord? Par exemple, si on prend, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. D'accord? Dans Sourate Maryam. Donc, on a le Kaf d'abord. Kaf, on va finir. D'accord? On va finir avec l'aide, comme ça, après, on va se retrouver avec celle-là. Donc, ça, c'est les lettres que je vous ai citées. Ra, Ha, Ta, Ya, Ha. Ceux-là, quand vous allez les voir, ils vont vous mettre une virgule, comme je vous ai dit, verticale. Il y a les lettres qui se prolongent en 6 temps. D'accord? Et ici, ces lettres-là sont Mim, Kaf, Lam, Sin, Ayn, Sad, Qaf, Noun. D'accord? Donc ces lettres-là, 21 lettres, soit 8 dans le Saint-Coran. Il y a 21 lettres, mais dans le Saint-Coran, il y en a 8. Clair? Donc, c'est cela. Mim, Kaf, Lam, Sin, Ayn, Sad, Qaf, Nun. Mim, Kaf, Lam, Sin, Ayn, Sad, Qaf, Nun. Wadih? Donc, quand vous trouvez ces lettres-là, c'est 6 temps. Là, ils vont vous mettre une virgule, une vague comme ça dans le Coran au-dessus des lettres. Tu sais que c'est 6 temps. Wadih? Les autres lettres qu'on a citées, c'est 2 temps. Ils vont te mettre comme ça, une virgule comme ça. D'accord? Autrement, un temps, c'est quoi? Alif. Tout simplement. Wadih? Donc, ici, une petite nocta, un point ici, avant de prendre, ici, comme je vous ai dit, Kaf, Haya, Ain, Sad. La lettre Sad, elle comporte à la fin une qalqala akbar. D'accord? Après, on verra la différence entre al-qalqala sughra ou al-kubra et ce qu'on appelle akbar, la plus grande. Parce que certains des composants en trois, vous allez voir pourquoi. Si on s'arrête en fin de verset, ou qalqala sughra, si on continue le verset. Wadih? Ça, on va le voir. Là, dans l'exemple que je vais vous donner. Et aussi, un autre point à prendre. Donc, faut pas oublier sad. Si on s'arrête, sad. Il y a le qalqala ici. Et la lettre ayn. Donc, la lettre ayn, on a dit, c'est 6 temps. Wadih? Mais la lettre ayn peut être prolongée 4 temps. C'est une exception. Elle peut être prolongée 4 temps. Wadih? Ou 6 temps aussi. Et ici, il existe quelques autres prolongations, mais qui ne sont pas appliquées dans toutes les lectures. Clair? Donc ici, si on prend maintenant Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad, dans Surat Maryam. Ici, dans ces lettres-là, donc on en a 1, 2, 3, 4, 5. Wadih? Le Kaf, combien de temps? 6 temps. D'accord, on a dit, on regarde, là je vous ai dit tout à l'heure au début, on va faire un peu plus technique pour expliquer le pourquoi, etc. Maintenant, ça c'est pour savoir les lettres, tout simplement. Et encore plus facile. Donc maintenant, comme je vous dis, à la fin, je vous dis, dans le Coran, il mâche un peu le travail, entre guillemets, ils vous mettent ces signes, etc. Mais c'est bien de comprendre pourquoi. D'accord, le pourquoi du comment, etc. Donc ici, on a le kef. On sait qu'il fait partie des lettres qu'on doit prolonger 6 temps. Dans le Coran, vous allez voir une vague. Dans certains, en tout cas. Ensuite, on a la lettre, ici, ha. Ha, c'est combien de temps? 2 temps. Ensuite, on a la lettre, ya. Ya, c'est combien de temps? Combien? 2 temps. Ensuite, on a la lettre, ayn. La lettre ayn, c'est combien de temps? 6 temps. Ensuite, on a la lettre, sad. Sad, c'est combien de temps? 6 temps. Wadih? Donc maintenant, comment on va faire? Qui veut le faire? Kaf, ha, ya, ayn, sad. En appliquant ça. On va pas dire, kaf, ha, ya, ayn, sad. Khata. C'est une erreur. Comment on va le faire? Si on a compris ça, les règles, d'accord? On a parlé de maddul lazim, donc pour le kaf, et pour le ayn, et pour le sad. Donc on va faire kaf, ha, ya, ayn, sad. Wadih? On va faire le kaf 6 temps, ha, ya, ha, ya, deux temps. Parce qu'il y a le ha et le ya. Ils sont en 2 temps. Aïn. Après, à la fin, hein. Donc, on passe avec, ici, at-tafrim pour passer dans le sod. Mais à la fin. Aïn. Sod. Et le qalqala. Parce que c'est en fin de mot et ici, sod. Sod. Afwan. Sod. Donc c'est le dal. Donc al-qalqala ici akbar ou bien al-kubra, mais on va dire akbar pour différencier les trois catégories qu'on verra par la suite dans les détails du tafsil inshallah. Khlas. Donc ici faut pas oublier al-qalqala à la fin. Wadih? C'est clair ou pas? Donc on sait maintenant pourquoi et comment on va prononcer alif lam mim yasin kaf kaf ha ya ayn sad ha mim ila akhiri. D'accord? Donc par exemple, on a pour les deux temps, on a ra, ha, ta, ya et ha. Maintenant, si on veut faire hamim, comment on va faire? Le ha, il va prendre combien de temps? 2 temps. Et le mim, 6 temps. Donc, on va pas dire hamim. Donc vous voyez déjà, même à l'entente, il y a quelque chose qui va pas. On va pas dire ha mim, ça va pas. Mais pourquoi ça va pas? Oh, parce que ça sonne pas tout simplement. Non, c'est qu'il y a des règles. Pourquoi ça va pas? Et pourquoi tout le monde reste de la même façon? C'est qu'il y a des règles. Donc ha fait partie des lettres qui prennent de temps. Donc on va dire ha mi. Pourquoi après 6 temps? On a dit mim. D'accord? Les règles qui alphabétiquement se décomposent en 3 lettres. Et ici, il n'y a pas de règle de toute façon qui vient après, parce qu'il n'y a pas de lettres qui viennent après qui font qu'on continue ailleurs. Mais à la kin mim, ça suffit pour nous dire que c'est 6 temps. Donc on dit ha mi. Tout simplement. Regardez, est-ce que c'est clair? Donc, ici, je pense que c'est assez clair. De toute façon, moi, selon mes capacités, je peux pas être plus clair. Lakin ala kulli hal, inshallah, au fur et à mesure, vous allez voir que ça va être plus clair avec la révision. Et après, en lisant et relisant, en écoutant des récitateurs, comme je vous recommande ici, comme je vous recommande tout le temps, soit cher Hudhayfi hafizahullah ta'ala, ou bien Al-Husari, etc. Donc des récitateurs aussi qui récitent assez doucement, et leur récitation elle est très claire et très très bonne, et donc c'est des références pour nous tous. Donc ala kulli hal, ça c'était pour terminer et clôturer sur les moudoud. Il y a d'autres règles encore, mais on peut pas trop rentrer dans les détails parce que je pense que ça ferait trop long, et c'est les principales bases qui sont essentielles bi'idhnillahi azza wa jal pour pouvoir réciter correctement wa billahi tawfiq. Concernant al-qalqala, donc al-qalqala, al-qalqalatu, donc ça c'est une règle qu'on va voir bi'idhnillahi azza wa jal concernant la résonance. D'accord? Par exemple, quand on dit qul huwallahu ahad, pourquoi on fait cette résonance ahad? Pourquoi? Est-ce que c'est de l'exagération? Est-ce que c'est autorisé? Comment on doit la faire, la résonance? Certains, ils pensent que c'est simplement qul huwallahu ahad. Ah, c'est bon, je fais une résonance, c'est bon. Vous allez voir les erreurs qu'il y a dans la al-qalqala qui sont prononcées quelquefois. Donc, pour al-qalqala, ou la lettre emphasée, déjà la première des choses, il faut faire attention à l'exagération. Par exemple, on avait dit qu'il y avait, je prends l'exemple, hein, da, d'accord, il y a, et il y a le dal aussi. Il y a le dad et le dal. Si je veux dire avec al-fatha, al-kasra et al-dhamma, je vais dire comment? Avec le dal, da, du, di. Wadi? Avec le da, du, di. Il y a une différence ou pas? Da, du, di, da, du, di. Mais il n'y a pas besoin d'exagérer. Parce que ici, il y a certains, ils exagèrent avec les lettres mufakhama, comme ici le qaf ou bien le sad ou bien le ta ou bien le da ou bien le, ils vont exagérer. Par exemple qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, Allah, dans le sad ils vont dire Allahu samad, samad. Ça c'est de l'exagération. Ça, qui t'a dit de faire samad? كأنه يعني وضع في فمه لقمة, comme s'il avait mis dans sa bouche, comme ils disent les ulama, ici une bouchée de la nourriture, comme s'il mâchait quelque chose. Soama, c'est exagéré ça. Ça sert à rien d'exagérer. Lakin il faut le prononcer. Sa, sad. Sa, sa. Sa, sa. Il y a pas besoin de faire sa, sa. Trop exagéré, d'accord? قل هو الله أحد الله الصمد. Ça suffit. Donc ici faut pas exagérer. Même dans al-qalqala, faut pas exagérer dans al-qalqala. On va donner des exemples. Par exemple, ici, laqad kana lakum. Laqad kana lakum fi rasulillah mathalan, laqad kana lakum. D'accord? On a laqad, d'accord? Il y a une sukun, donc laqad kana lakum. Donc il y a une qalqala dans le dal, mais ça on va voir les règles de al-qalqala, mais je vous donne un exemple. Il y a laqad kana lakum. Certains ils vont exagérer et ils vont dire لقد كان لكم لقد كان لكم, d'accord, لقد لقد كان, c'est comme s'ils avaient mis une kasra dans le dal, لقد كان لكم, alors que ça c'est une erreur. Ça on entend لقدي, لقدي, parce qu'il veut faire le qalqala mais il suit, parce que ici il est dans une liaison. C'est plus dur quand t'es dans une liaison que quand tu t'arrêtes. Là t'es dans une liaison, tu pars avec le lam. لقد لقد لقد فقط لقد كان, mais dis pas لقد كان لكم لقد كان i, parce qu'il part dans la liaison et il est poussé à dire i par exemple, kasra, ou quelquefois il met une dhamma, ou quelquefois ici ils mettent une fatha. D'accord? Donc là, on a mis une kasra. Un exemple. وَرَأَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ. D'accord? Donc, il y a certains qui vont dire يَدْخُلُونَ. Vous voyez pourquoi ici, التجويد, c'est le fait de donner à chaque lettre son droit. Ça éclaircit, ça embellit chaque lettre pour qu'il soit bien séparé. Si toi tu veux dire يَدْخُلُوا, tu veux pas faire القلقلة. يَدْخُلُوا. Donc là, tu vas partir. يَدْخُلُوا, c'est comme si tu mettais un ta. يَدْخُلُوا. C'est comme si tu avais mis ta. يَدْخُلُوا. C'est vrai ou pas? La plupart ils disent يَدْخُلُوا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي يَدْخُلُونَ. C'est un ta. Alors que là, on n'entend pas le del. Il y a une différence entre ta et da. Ta et da. Donc, c'est pas يَدْخُلُوا. C'est yad. Donc là, il y a une qalqala. Une qalqala, ici, qui n'est pas la plus grande qalqala, mais c'est une qalqala de liaison. Là, je vous donne un exemple, on va rentrer dans les détails, hein, simplement pour vous dire l'exagération. Mais il y a d'autres, ils vont partir dans l'exagération, donc ils vont vouloir faire trop le qalqala, ils vont dire, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوا, parce qu'après, il y a خُو, le خَا avec dhamma, خُو, il résonne, il fait la résonance, le qalqala, يَدْخُلُوا. Voilà qui nous dit yadoukhulu. C'est comme s'il a mis une dhamma dans le dal. Yadou, yadoukhulu, yadou. On entend la résonance. Lakin j'ai mis une dhamma. Yadoukhulu. Khata. Donc ici, c'est ni yadoukhulu et ni yadoukhulu. Voilà qui c'est yad. Il faut que khlas ici, on le prononce clairement. De. Sans fatha, en exagérant. Yad. Non? Yad. Yadoukhulu. Yadoukhulu. Wadih. Il y a une différence entre yadoukhulu et yadoukhulu. Yadoukhulu. Donc, faut faire attention. Là, on a mis une fatha. D'accord? Ou bien, on a mis une dhamma. Ou bien, avec la fatha, Ibrahim. Ibrahim. D'accord? Dans le bas. D'accord? Qutbu jad. Ça, le bas, min huruf al-qalqala. Il fait partie des lettres de résonance. Ba. Donc, ici, il est, ça, c'est quand ils sont pas vocalisés. Ni a, i, ou. Un, an, in. Donc là, ils sont ab, ib. Donc, c'est Ibrahim. Ibrahim. Mais il y a certains, ils vont exagérer, ils vont dire Ibrahim. Ibrahim. C'est comme si t'as mis quoi? Ibrahim. Comme si t'as mis une fatha. Parce que t'as exagéré. Ibrahim. Ibrahim. C'est une erreur. C'est comme si on croyait que c'était Ibrahim. C'est une erreur. C'est Ibrahim. Ibrahim. واضح. C'est une résonance, laquelle il faut pas exagérer. Et en plus, elle n'est pas en fin de mot, c'est pas une grande résonance. Et c'est pour, ici, donner à chaque lettre son droit. Ça nous permet d'embellir. Mais il faut pas exagérer jusqu'à ce qu'on fasse une erreur. Ou bien, il y a d'autres qui vont faire, par exemple, dans, ça c'est al-akhta, hein. Ça je vous donne des exemples de akhta, عند النطق al-qalqala. Donc, au moment où on va prononcer al-qalqala. Ici, par exemple, on a, قل هو الله أحد أحد. Là j'ai fait le قلقلة أحد. Mais il y a une erreur, c'est quoi أحد? J'ai mis comme si j'avais mis une hamza après. أحد أحد. J'ai fait la قلقلة, mais لكن c'est comme si j'avais mis après le قلقلة, j'avais mis une hamza. لقد. J'ai bloqué. لقد. Ça c'est une erreur. On n'a pas le droit de bloquer après le قلقلة, on doit la laisser normal, عادي, naturel. لقد لقد لقد. Je bloque pas. Regardez la différence entre le premier où je vais bloquer, le deuxième je vais pas bloquer. Le premier je vais bloquer. لقد لقد لقد. Et le deuxième je vais pas bloquer. لقد لقد. D'accord? C'est subtil, subtil si on veut, mais il y a une différence. Là, la première cas tu mets une hamza, لقد, c'est tu bloques ici, et la deuxième tu laisses aller. Mais le problème, il y a encore des gens qui rentrent dans l'excès. Par exemple, ils vont dire, si on prend, pareil, laqad, ou bien ahad, bon, j'étais parti avec ahad, c'est pareil, hein, laqad, mais plutôt ahad, hein, en fin de ayah. Ahad, ahad, je bloque, et là, ahad, ahad, je laisse, normal. Et d'autres, par exemple, avec samad, donc ils vont partir avec, ou avec ahad, ahad, ahad. Ça, c'est un excès encore. Qui t'a dit de faire le ahad, Et il y en a plein, ils le font. Ahad. Ils veulent faire bien. Ils veulent exagérer. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدَ Allahu samad. Personne n'a dit de faire et personne t'a dit de bloquer. Qul huwallahu ahad. Voilà, tu fais la résonance. Ahad. Ahad. Wadih. Donc ça, il faut faire attention à ces erreurs. Al-qalqala, on a dit c'était une résonance. Une résonance. Dans la langue arabe, ici, ça signifie, comme on a dit, soit l'agitation, la perturbation, ici l'instabilité. Et il y a des lettres dans l'alphabet arabe qui, quand elles portent as-sukun, d'accord? Donc ils subissent al-qalqala, qui est un rebond, si on veut, de la lettre. Cette qalqala permet à celui qui nous écoute de bien distinguer la lettre et de l'entendre clairement. C'est ce qu'on appelle tahqiq al-huruf. D'accord? C'est donné à chaque lettre son dû, comme on a dit. On applique cette règle en faisant résonner à fouine la lettre d'un son provoqué par son émission sans voyelle, à son point d'articulation par les cordes vocales par les cinq lettres suivantes. Donc on avait dit qutbu jad. D'accord? Donc le del, le jim, le ba, le ta, d'accord, le ta et le qa, le qaf. Donc quand on a ces cinq lettres là qu'on retrouve dans qutbu jad, on doit faire al qalqala dessus. D'accord, on va pas dire qul huwallahu ahad ahad ahad. D'accord, ahad ahad. Il faut faire une petite résonance parce que elle fait partie, le dal, des lettres de huruf al qalqala qutbu jad. D'accord, le dal, le jim, le ba, le ta et le qaf. Falaq, falaq. Tu vas pas dire falaq. Si quelqu'un dit falaq, ici c'est un lahn, c'est une erreur. Walakin, quel type d'erreur? Al-khafi. Donc c'est quelque chose qui, ici, al-ma'na, elle est bonne. D'accord? Ind al-jumhur, il n'est pas pécheur. D'accord? Chez la majeure partie des gens de science, il n'a pas de péché. C'est toujours bon, sa récitation est toujours bonne. Mais il y a un arc, il y a un manquement dans sa récitation. D'accord? S'il dit le falaq. Mais le mieux c'est de dire le falaq. D'accord? Là, al-qalqala, la résonance. Et ici, techniquement, les lettres non vocalisées avec sukun doivent être émises en faisant résonner jusqu'à obtenir une résonance franche. Et il y a trois types de qalqala. Il y a al-qalqalatu sughra, il y a al-qalqalatu al-kubra, et il y a al-qalqalatu al-akbar. Comme je vous avais dit tout à l'heure, la petite résonance, la résonance moyenne, si vous, où on veut la grande résonance, et la plus grande résonance. D'accord? Et tous, il faut qu'ils soient clairs, hein. Les trois résonances, il faut qu'ils soient clairs. Mais il y a des moments où on doit être plus clair que d'autres moments. Il y a la petite résonance, al-qalqalatu sughra, elle se produit lorsqu'une des lettres de résonance se trouve non vocalisée à l'intérieur d'un mot. D'accord? Donc là on est toujours dans les lettres non vocalisées, hein. Faut pas que vous me dites quand il y a le qaf avec qa, qi, qu. Non, ça on n'applique pas. D'accord? C'est aq. C'est quand il y a que le qaf, sukun, bisukun, ici, là, à ce moment-là, on l'applique. Par exemple, khalaqna, khalaqna. D'accord, il y a le qaf. Le qaf, il est non vocalisé. D'accord? Mathalan, walaqad khalaqna. Oui, même à l'entendre, c'est un peu moche. D'accord, on voit qu'il y a un manque. Walaqad khalaqna, khalaqna. Là, j'avais khalaqna. Khalaqa. Ici, walaqad khalaqna al-insan. On voit que c'est plus beau quand tu mets al-qalqala. Walaqad khalaqna walaqad khalaqa. Ici al-qalqala. Walaqad khalaqna al-insan. D'accord? Donc ou bien n'am. Donc ici, c'est à l'intérieur du même mot. Khalaq, le qaf, il est dans le même mot. Khalaqna, c'est le même mot. Khalaqna, c'est le même mot. Donc il y a le qaf, il fait partie du huruf al-qalqala, il est bis-sukun, donc on fait al-qalqalatu sughra. C'est la petite résonance. C'est-à-dire on fait une résonance mais doucement. Walaqad khalaqna khalaqna. D'accord, on va pas faire khalaqa. Non. Khalaqna al-in. D'accord, une petite résonance. Quand on est en fin de mot maintenant. Là, c'était deux dans le mot, milieu du mot. Là, maintenant, on va le mettre ici en fin de mot. Mais en liaison avec le mot suivant. Pareil. Elle est en fin de mot. Lam yalid. Walam yulad. Elle est en fin de mot, lam yalid, le dal. Lakin, tu vas suivre avec les mots, tu vas pas dire lam yalid wa lam yulad. Non. Tu vas dire lam yalid wa lam yulad. Donc elle est en fin de mot, lakin tu vas pas t'arrêter. Donc retiens la règle, quand tu t'arrêtes pas dessus, tu sais que c'est une qalqala sughra. C'est-à-dire que tu fais une résonance, mais une petite résonance. Donc ici, tu vas dire lam yalid wa lam yulad. Non. Tu vas faire une résonance, mais une petite. Lam yalid wa lam yulad. D'accord? Lam yalid wa lam yulad. C'est pas besoin de faire une grande résonance. Ah, moi, si je fais pas, je vais dire lam yalid wa lam yulad. Je vais presque être obligé de transformer le dal en ta. Lam yalid wa lam, lam yalid wa, comment tu veux partir? Lam yalid wa lam, essaie de faire le test. Lam yalid wa lam, lam yalid wa lam. Mais quand tu le fais résonner un peu, khlas, ça donne ici à la lettre sa plénitude. Et tu peux différencier entre les lettres. Lam yalid wa lam yulad. C'est clair ou pas? Wadih? Ça, c'est ce qu'on appelle al-qalqalatus sughra. Dans le même mot, ou bien en fin de mot, mais il y a la liaison, tu t'arrêtes pas dessus. Maintenant, on a la résonance, ici, grande si on veut, al-kubra, lakin ce n'est pas la plus grande. Elle se prononce, al-qalqalatul kubra, elle se prononce lorsque les lettres de résonance se trouvent non vocalisées en fin de mot, et où il y a une pause ou un arrêt, un waqf, tu vas t'arrêter. Et elle est en dernier, à la fin, la lettre, donc, qutbu jad. Donc on avait dit les lettres, hein, le ba, le dal, le jim, le qaf, ces cinq lettres-là, une des cinq lettres-là, en fin de mot, et tu t'arrêtes. C'est pas comme lam yalid wa lam yu, là tu t'arrêtes pas. Mais là, par exemple, qul huwallahu ahad, ah, dal. Et là tu t'arrêtes, il y a un arrêt ici. Donc ça, à ce moment-là, quand tu t'arrêtes sur cette lettre qui fait partie de huruf al-qalqala, ici à ce moment-là, sache que tu dois faire une grande résonance. D'accord? Une grande résonance. Et dans tous les cas, la petite, la grande et la plus grande, ils doivent être clairs, les résonances. Mais simplement, la petite, elle est moins résonnée, elle est moins forte, elle est moins doublée, si on veut, hein. Elle résonne moins que la deuxième. Et la deuxième résonne un peu moins que la dernière. Donc, ici, on va dire, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدَ أَحَدَ. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pas أَحَدَ أَحَدَ أَحَدَ. Khata, c'est comme si tu mettais une hamza. Et je vais pas dire ahad, ahad. Non, mais juste au milieu. Ahad, ahad. Wadih. Ça c'est al-qalqalatul kubra. C'est simple. Ouais, vous avez qutbu jad, le qaf, le ta, le ba, le jim, le dal, une des cinq lettres. En fin de mot, tu t'arrêtes, tu fais résonner. Au milieu d'un mot, tu le fais résonner un peu. Lam yalid wa lam yulad. واضح. Et on a enfin al-qalqalatul akbar, la plus grande si on veut. Ça, pourquoi ils disent la plus grande? Quelquefois c'est pour montrer que elle est plus prononcée, mais due à quoi? Parce qu'il y a une shadda. D'accord? Ahad, dans le dal, il y a pas de shadda. Il y a pas, c'est ahad, khlas. D'accord? Ça si tu t'arrêtes ahad, ahadun, hein? Ahad. Lakin ici tu t'arrêtes ahad. Ici il n'y a pas de shadda sur le dal. Mais il y a des moments où il y a une de ces cinq lettres qui sont en der à la fin du mot. Tu t'arrêtes, mais il y a une shidda en plus. Donc c'est pour ça, là, tu vas appuyer plus. Si on veut, la résonance va être plus claire, due à la shidda. C'est due à la shidda. Par exemple, tabbat yada abi lahabin wa tab. Et ici, vous voyez dans le, d'accord, abi lahabin wa tab. Ici, sur le bas. C'est ba, al-qalqalatul kubra, à la base, lakin y'a une shidda. Watab, y'a une shidda dessus. Donc là, tu vas pas dire, watab, watab. Donc, même à l'oreille, ça fait bizarre. Watab, watab. Comme ça. Tabbat yada abi lahabin watab, watab. Tu dois appuyer un peu dessus. Parce qu'il y a une shidda. Tu vas pas dire watab. Et la shidda, tu l'as mis où la shidda? Watab. Tu vas appuyer dessus, et donc, comme t'appuies dessus, quand tu vas relâcher, tu vas faire la résonance, al-qalqala, elle va être plus claire. Watab. D'accord? Certains, ils disent, oh, un tel l'a exagéré, regarde, il a dit watab. Mais c'est ça. Tu peux pas dire watab. Watab. Ajada watab. Watab. Il faut pas faire un, exagérer, faire un, comme si c'était un P qui n'existe pas dans la langue arabe. Watab. وتب. واضح. Et ça, c'est ici un degré de vibration qui est au maximum. تبت يدا أبي لهب وتب وتب. De cette manière-là. واضح. Ça, c'était pour les moudouds. On a terminé avec les moudouds. On a fait un rappel sur le fait de dire amin. C'est un med. Quel med dans amin? Maddul badal. D'accord? Donc c'est harakatan. C'est deux temps. C'est amin. C'est pas amin. Il n'y a pas de ça. Amin. واضح. On a vu les moudouds. On a vu al-qalqala. Les trois types de qalqala. Et bi-idhnillah, on rentrera dans les règles ahkamur ra, donc les règles du ra, quand on va le faire bit tafrim, quand on va faire bit tarqiq, d'accord, quand elle sera mufakhama et quand elle sera muraqqaqa, donc on verra ça bi idhnillah azza wa jalla. Et ensuite il nous restera les arrêts, quand on s'arrête, à quel moment on a le droit de s'arrêter, quand on n'a pas le droit de s'arrêter. Quand on lit le Coran, il y a des moments t'as pas le droit de t'arrêter, il y a des moments tu dois ici un waqf lazim, obligatoire de t'arrêter. Ça, c'est pour pas rayer al-ma'na, pour pas changer le sens du Coran. Et dans le Coran aussi, il y a des isharat ici, le moment des signes, des indices qui vous permettent de savoir quand c'est mieux. Il y a des moments où c'est, tu dois t'arrêter, des moments où t'as pas le droit de t'arrêter. D'accord? Des moments où tu peux t'arrêter, mais c'est mieux de continuer. Et il y a des moments où tu peux t'arrêter, mais tu peux continuer, mais c'est mieux de s'arrêter. D'accord? Et ça, on les verra dans les détails. Insha'Allah ta'ala, wallahu ta'ala, a'lamu ahkam. والحمد لله رب العالمين. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى